fermé du haut de son plongeoir. Il voit le temps passer qu'il a gâché. Sa vie défile dans un tourbillon noir. Ne cherche pas une miette à ramasser. Le dernier saut de l'ange comme un espoir. Éternel repos si souvent rêvé. Thank you.